Jean-François. Jean-François. Assieds-toi là, Jean-François. Assieds-toi là et dis-moi. Dis-moi, Jean-François. Dis-moi combien coûte un pain au chocolat. 15 centimes d'euros. 15 centimes. Ouais. Ouais. Et combien coûte. Combien coûte un jambon beurre? Un jambon beurre, un sandwich jambon beurre. 15 centimes d'euros. 15 centimes aussi, ouais. D'accord. Et combien coûte une grosse boîte de ravioli? 15 centimes d'euros. Et un lecteur DVD? 15 centimes d'euros. Ah ouais? Ouais. 15 centimes un lecteur DVD? Et un lecteur Blu-ray, Jean-François? 15 centimes d'euros. Hein? Et une guitare, Jean-François? Hein? 15 centimes d'euros. Hein? Et un synthé? Combien coûte un synthé? 15 centimes d'euros. Hein? 15 centimes? Mais c'est pas vrai ça! Et un 50 mètres carrés en banlieue parisienne, c'est combien? 15 centimes d'euros. Ah, 15 centimes et un SMIC! 15 centimes d'euros. Un SMIC, Jean-François? 15 centimes d'euros. 15 centimes, un SMIC! T'es sûr, Jean-François? 15 centimes, un SMIC! 15 centimes d'euros. Mais pouflez tes 15 centimes! 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros.